Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de la radio scolaire Nderagakura. Bienvenue dans cette édition de la matinée dont voici le sommaire. Le conseil des ministres s'est tenu son mercredi sous la présidence du chef de l'État Pierre Nkurunziza. À l'ordre du jour figuraient 8 points dont celui de la création de la commission chargée de proposer le projet d'amendement de la constitution de la République du Burundi. La direction générale de l'Urbanisme reste préoccupée par le projet de pavage des routes. Selon le responsable de cette direction, ce projet avance au ralenti par manque de financement, mais que pour le moment, on s'attelle à chercher ces financements. Depuis le début de cette année 2017, 2265 sur 2500 prisonniers qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle ont été déjà libérés. L'annonce est faite par le président de la commission permanente chargée du suivi des dossiers pénitentiaires et judiciaires des détenus. Voilà pour le sommaire. Bienvenue encore une fois, Jean-Claude Habimana sur la mise en onde. Le conseil des ministres qui s'est tenu en date du 15 février 2017 sous la présidence du chef de l'État Pierre Nkurunziza a adopté un projet de loi portant création de la commission chargée de proposer les amendements de la constitution de la République du Burundi. Comme le fait savoir le secrétaire général du gouvernement Philippe Nzobonariba, cette commission aura pour rôle de relever les dispositions de la constitution qui sont obsolètes avant de proposer au gouvernement un projet de constitution amendé. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 février 2017 sous la présidence de son Excellence le Président de la République, M. Pierre Nkurunziza. Le Conseil a analysé le projet de décret portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la commission chargée de proposer le projet d'amendement de la Constitution de la République du Burundi, un projet présenté par la ministre de la Justice et garde des Sceaux. La Constitution est la loi fondamentale de la République du Burundi et, à ce titre, une norme juridique supérieure à l'ensemble des autres normes juridiques produites et applicables dans l'ordre juridique national. La Constitution actuelle en vigueur a été promulguée le 18 mars 2005 après référendum et était destinée à régir et établir les règles de fonctionnement du régime post-transition qui a pris fin avec l'organisation des élections générales de 2010. À ce titre, certaines de ces dispositions sont devenues obsolètes et ne reflètent plus les réalités du moment. Il convient de rappeler que bien avant la fin de la période post-transition, plusieurs acteurs sociopolitiques et institutions indépendantes ont, à travers divers ateliers, conférences et états généraux, formulaient le souhait de voir la Constitution révisée et avaient même transmis des propositions écrites au président de la République. Le présent projet vient donc proposer la mise en place d'une commission composée de personnalités issues de diverses tendances qui aura pour mission d'inventorier et analyser les différents articles de la Constitution amendée et d'en faire la proposition au gouvernement. Et, après accord de ce dernier, proposer un projet de Constitution amendée. Le projet a été adopté moyennant de légers amendements. L'autre projet qui a été adopté par le Conseil des ministres est le projet d'ordonnance ministérielle portant organisation et création du cycle de master à l'Université du Burundi, une loi qui permettra au Burundi d'harmoniser le système d'enseignement universitaire à celui des États de la communauté est-africaine. Suivez encore une fois Philippe Nzobonariba, il est secrétaire général du gouvernement. Les membres du Conseil ont analysé le projet d'ordonnance ministérielle portant création et organisation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur au Burundi qui était présenté par la ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce projet d'ordonnance vient mettre en application la loi du mois de décembre 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. En mettant en place cette loi, le Burundi a voulu se doter d'un nouveau cadre légal pour faire face aux nouvelles dynamiques de création de nouvelles universités, de nouvelles filières de formation et de nouvelles qualifications tant sur le plan national, régional qu'international. Au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est, il y a cette volonté d'établir un cadre commun d'enseignement supérieur caractérisé par des systèmes harmonisés. Dans cette optique, il est primordial d'asseoir d'abord ses propres normes standards et procédures au niveau national pour avoir un champ de référence. C'est dans le souci de répondre à ces objectifs que le projet d'ordonnance est proposé. Le projet a été adopté moyennant la recommandation d'adapter les formations aux besoins réels du pays. Nous poursuivons avec cette édition. 2264 détenus sur 2500 qui ont bénéficié de la grâce présidentielle par décret numéro 100/01 du 3 janvier 2017 ont été déjà libérés. Ce sont les précisions du président de la commission permanente chargée de la mise en application de ce décret, Léa Pascazi Nzigamasabo, lors d'un point de presse de ce vendredi. Léa Pascazi Nzigamasabo dit que le reste de ces détenus graciés seront bientôt libérés. À l'heure actuelle, nous en sommes à 2264 bénéficiaires qui ont été déjà relaxés. Que dans le cadre de la protection des bénéficiaires de la mesure de grâce, une liste de ceux qui ont été relaxés a été envoyée au ministère de l'Intérieur pour assurer l'encadrement et le suivi de ceux qui ont été relaxés. Le ministère de l'Intérieur va se charger de dispatcher les différentes listes dans les provinces respectives afin que l'on puisse suivre jour à jour la situation sécuritaire de ces personnes-là. Je voudrais également vous annoncer que dans le cadre de l'humanisation des détenus, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a nommé par ordonnance numéro 550-2083 du 11 novembre 2016 une commission permanente chargée du suivi des dossiers pénitentiaires et judiciaires des détenus. Et cette commission a dans un premier temps analysé les dossiers des personnes condamnées, mais actuellement, la commission va analyser la situation carcérale et judiciaire des détenus préventifs, c'est-à-dire ceux dont les procédures n'ont pas encore eu d'issue, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore condamnés. Et le travail a déjà commencé. Mais aussi dans la perspective de l'exécution de la mesure de grâce, la commission va analyser les recours qui ont été portés devant elle. On veut également vous dire que pour ceux qui ne sont pas encore relaxés, c'est une question de temps. La commission est en train d'analyser leur dossier. Il s'est posé quelques problèmes au niveau administratif. Vous pouviez trouver un cas où la personne avait été mal identifiée au niveau de la juridiction. Vous pouvez également trouver des cas où les dossiers pénitentiaires n'avait pas été régulièrement complété. Ce sont donc ces cas que nous sommes en train d'analyser. Mais d'ici peu, le chiffre qui avait été annoncé de 2500 prisonniers qui devraient être libérés seront bientôt libérés. Le projet de pavage de la voirie urbaine n'a pas pu continuer comme prévu suite au manque de financement. C'est ce que dit en substance le directeur général de l'urbanisme, ambassadeur Amis Nhangi Wingura. C'est au moment où certains pensent que le projet a été arrêté. Ambassadeur Amis Nhangi Wingura précise que le gouvernement s'y attelle en cherchant des financements pour servir d'autres quartiers qui restent encore en besoin de pavage. Les seules difficultés qu'on puisse avoir, c'est une difficulté de financement. Vous savez d'où venaient les financements, le projet était pris en charge par qui, et la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, bon, il y a des gens qui ont cru peut-être qu'ils doivent abandonner tout ce qu'ils avaient accepté, mais le vrai problème, c'était ça, il y a eu un problème de financement. Pourtant, oui, la population, une grande partie de la population avait donné sa quote-part qu'on avait exigée pour qu'on puisse participer dans ce projet qui est très important. Mais ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de chercher des voies et moyens pour trouver des financements, à défaut de récupérer les anciens financements, mais de trouver d'autres financements là où on peut les trouver. Mais les démarches sont en cours et nous espérons d'ailleurs tenir de bons résultats. Alors, c'est un problème de moyens, mais le gouvernement fait tout pour que cette situation ne perdure pas et que nous puissions servir les quartiers qui restent et qui attendent avec fermeté d'ailleurs ce genre de pavage. Mais je vois qu'il y a d'autres idées qui peuvent naître pour assurer le financement et nous y attelons. Nous avons proposé quelques voies de sortie au niveau du gouvernement et je crois qu'il y aura des solutions. L'hygiène s'améliore dans les bistrots et restaurants de la province Ngozi par rapport aux années antérieures. C'est le constat du gouverneur de cette province, Aruel Nduimana, après avoir pris la mesure de fermer certains bistrots et restaurants ne remplissant pas les conditions d'hygiène. Aruel Nduimana dit que ce résultat a été atteint grâce aux réunions de sensibilisation à l'endroit de la population sur l'hygiène dans les lieux publics. Page éducation de notre édition. Remise officielle ce vendredi des diplômes aux lauréats de la 12e promotion à l'Université Espoir d'Afrique. La ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Janvier Ndiraïcha, qui a rehaussé de sa présence ces cérémonies, a interpellé ses lauréats à ne pas être des demandeurs, mais plutôt être des créateurs d'emplois. Les détails avec notre confrère Célestin Ravialimana, il est stagiaire à la radio scolaire Ndiragakura. Les diplômes ont été décernés à quatre 763 lauréats qui ont suivi les programmes d'études professionnelles de baccalauréat, de licence, de master et de doctorat dans différents domaines. Dans son discours d'accueil, le recteur de l'Université Espoir d'Afrique, Sylvain Nzorabonayo, a remercié le gouvernement du Burundi qui n'a ménagé aucun effort pour les accompagner dans les réformes actuelles de l'enseignement supérieur. La ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Jean-Jean Dilahisha, a salué l'initiative des autorités de l'Université Espoir d'Afrique de regrouper les étudiants en provenance des pays membres de la communauté est-africaine et a interpellé ses lauréats à ne pas être parmi les demandeurs d'emploi, plutôt être des créateurs d'emploi. Certes, vous venez d'acquérir un bon bagage de connaissances acquises sur le monde de l'école. Soyez parmi les créateurs d'emploi et non les demandeurs d'emploi. Vous allez être maintenant lancé à l'école de la vie. Peut-être ne pas trop savoir, mais soyez plutôt prêts et disposés à vous mettre aussi à l'école de la vie en mettant une bonne relation entre l'école et la réalité de la vie. Ne négligez rien de ce que vous pourrez apprendre de l'expérience de vos élèves dans la vie et dans la profession. Cette journée a été aussi l'occasion de l'ouverture solennelle de l'année académique 2017. Merci à toi, Célestin, pour ton reportage. La commune scolaire de Burambi, en province Rumonge, est en train d'organiser un test communal pour se préparer au concours de certification et d'orientation. Comme l'indique le directeur communal de l'enseignement de Burambi, Jérémy Havialimana, cela permettra de constater le niveau de réussite dans différentes écoles afin d'améliorer là où les résultats sont faibles. Il demande aux enseignants de fournir des efforts pour couvrir les programmes à temps afin d'assurer une meilleure réussite. Les préparatifs pour l'été tunisienne vont à bon train. C'est-à-dire qu'à la fin de ce mois, on va faire le pré-test tunisienne au niveau commune. Et pendant les vacances du deuxième trimestre, on va faire le pré-test au niveau province. Pour le pré-test au niveau commune, on va statuer sur les taux de réussite, voir quelle est l'école qui a été la première, quelle est l'école qui a été la dernière. Et puis, on va analyser ces points et voir les causes des échecs qu'on va remarquer et analyser aussi les taux de réussite. Pourquoi cette école a été la première? Pourquoi cette école a été la dernière? Quels sont les motifs pour ajuster les problèmes que les enfants ont eu? Nous demandons aux enseignants de vaquer à leur avis et de revenir tous leurs efforts pour que nous ayons la réussite pour cette année. De donner corps et âme pour terminer les programmes, pour donner les évaluations un bon nombre pour que nous ayons une réussite qui est du moins échappée. Pour terminer cette édition, la lèpre est une maladie qui guérit si elle est traitée à temps, raison pour laquelle tout individu qui constate les signes de cette maladie sur son corps est prié de se rendre à la structure sanitaire la plus proche pour être soigné. L'appel est de la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Josiane Nijimbere, à l'occasion de la célébration ce vendredi de la journée mondiale des lépreux, une journée célébrée normalement le dernier dimanche du mois de janvier. La ministre Josiane Nijimbere appelle également les personnes atteintes par cette maladie, mais qui ressentent le complexe d'aller se faire soigner, considérant que c'est une maladie de la honte, à aller au dispensaire pour qu'elle soit traitée, car les médicaments sont disponibles et sont gratuits. C'est sur cet élément que nous bouclons cette édition. Jean-Claude Habimana a assuré la mise en onde, et puis Makiba Monero était à la présentation. Les programmes continuent sur Radio Scolaire Ndéragakura.